Bonjour, je suis Nao Tanaka. Vous êtes Monsieur Bernard? Appelle-moi Greg. Tu as fait bon voyage? Oui, tout s'est bien passé. C'est très gentil d'être venu me chercher à l'aéroport. C'est normal, on habite à côté. On va se tutoyer, hein? Se tutoyer? Oui, on se dit tu. Tu comprends? Ah, tu, oui, je comprends. Allez, on y va. Laisse-moi porter ton sac. Merci, c'est très gentil.